Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. En 60 ans d'existence, l'intelligence artificielle a connu des progrès spectaculaires, des chercheurs de génie, des victoires inattendues et des moments de doute. Depuis 2010, grâce à la puissance des ordinateurs et grâce à l'accès aux données, l'intelligence artificielle vit son troisième âge d'or. Cédric Villani nous a expliqué hier les liens étroits qu'il y a entre la mathématique et l'informatique. Aujourd'hui, Jean-Claude Dain va raconter la fabuleuse aventure de l'intelligence artificielle, ses succès et ses déconvenus. Jean-Claude Dain est professeur et chercheur, auteur de « Intelligence artificielle, manuel de survie », paru aux éditions Science e-book. Jean-Claude Dain connaît bien les héros de l'intelligence artificielle, des utopistes passionnés pour la plupart, grâce à qui nous vivons cette période qui est bourrée de promesses, mais qui suscite aussi pas mal d'inquiétudes. Les aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. L'intelligence artificielle est à la fois une jeune discipline et qui a grandi en fait avec l'informatique. Elle est pratiquement née dans la continuité de la création de l'ordinateur moderne qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a deux précurseurs qui ont concrétisé, je dirais, l'invention de l'ordinateur. D'une part, John Foy Neumann qui a créé vraiment la structure de l'ordinateur telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis un logicien anglais, Alan Turing, donc on a beaucoup parlé, et il a été à la fois à l'origine de l'ordinateur. Lui, il a plutôt travaillé sur la structure formelle de l'ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est à l'origine en fait du projet de l'intelligence artificielle. On est à une époque où la discipline en vogue est la cybernétique. Donc la cybernétique, c'est vraiment la discipline à cette époque-là qui est la haute technologie et la réflexion. Donc son objectif, c'est essayer de comprendre comment fonctionnent finalement non seulement les machines, mais aussi les êtres organiques. Donc c'est une discipline assez ouverte et donc elle est théorisée en particulier par un monsieur qui s'appelle Weiner qui va écrire un peu les fondements de la cybernétique. Et c'est vraiment dans cette mouvance-là, à cette époque-là, que naissent finalement les tout premiers robots, les tout premiers réseaux de neurones. Hein, McCulloch et Pitts en 1943 formalisent ce qu'on va appeler le neurone formel, c'est-à-dire une abstraction mathématiques du neurone. Et donc on est vraiment vraiment au tout début, donc à la fin des années 40 jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, tout début des années 50, on est vraiment à une époque charnière. On va passer finalement de la notion de calculateur, en fait de machine à calculer un peu sophistiquée qu'on est capable de programmer dans une certaine mesure, à ce qui va devenir l'ordinateur moderne. 6 juin 1950, Paris Inter, le journaliste Pierre Crenès dans l'émission Ainsi va le monde. Nous sommes dans les vastes salles de l'IBM, l'International Business Machine, au coin de la 57e rue et de Madison Avenue à New York. La machine à calculer électronique occupe à elle seule une salle de 25 mètres de long environ et de 10 mètres de large. Le mur de gauche est occupé par une succession compacte et régulière de lampes, semblables à des lampes de radio, qui s'allument à un rythme très rapide. À l'extrémité du mur, de longues bandes de papier perforé se déroulent lentement. Le mur du fond est, lui, occupé par de très grands rouleaux de papier perforé. C'est une partie de la mémoire de la machine. Le mur de droite est aussi couvert de lampes. De grandes baies vitrées protègent toutes ces installations. Au milieu de la salle se trouvent plusieurs consoles. Les unes, sur des tableaux, ne portent que des interrupteurs. Les autres avalent à un rythme rapide des cartes perforées. Enfin, une autre déroule lentement deux larges feuilles de papier sur lesquelles s'inscrivent des chiffres. Ce sont les résultats des calculs. Le système de calcul a ceci de particulier qu'il n'emploie pas seulement les chiffres du système décimal de 0 à 10, mais aussi un système binaire n'employant que le 0 et le 1. Voici dans ces grandes lignes le fonctionnement du cerveau électronique. Les calculateurs, une des grandes avancées, parce qu'au 19e siècle, on créait déjà des calculateurs, mais ils étaient basés sur la logique décimale, donc ils comptaient comme nous, ils comptaient de 0 à 10, et c'est compliqué de faire une machine qui utilise 10 chiffres, finalement. C'est beaucoup plus simple de faire des machines qui travaillent avec deux valeurs uniquement, 0 et 1. Donc, on appelle ça de la logique binaire. Et la logique binaire, elle permet de représenter et de calculer comme nous on le fait. Simplement, c'est beaucoup plus pratique dans une machine. Donc ça, c'est dû en particulier aux travaux de Boole, hein, qui théorise effectivement la logique booléenne et le fait qu'avec la logique booléenne, il va prouver en particulier Boole que elle est aussi puissante. Et on peut faire énormément de choses avec la logique booléenne. Et les inventeurs d'ordinateurs vont utiliser finalement ce binaire pour réaliser des machines beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simples à construire. Donc les deux chiffres utilisés dans la logique binaire, c'est le 0 et le 1. Et on va pouvoir compter de cette manière. Donc si on veut compter par exemple sur deux digits, eh bien 0, 0, ça donne 0. 0, 1, ça donne 1. 1, 0, ça donne 2. Et 1, 1, ça donne 3. Et on va pouvoir continuer comme ça à compter nos machines aujourd'hui en 64 bits. Donc on peut représenter, voire même plus dans certains cas, vont pouvoir compter sur des nombres beaucoup plus importants. Et c'est la base, effectivement, de la réalisation des ordinateurs digitaux modernes. Donc c'est dans ce contexte de transformation, il y participe pleinement, que Alan Turing va formaliser effectivement la structure d'un ordinateur. Donc il va démontrer en quelque sorte que l'ordinateur est une machine universelle et si on lui donne un programme fait de 0 et de 1, elle est capable potentiellement de simuler tout ce qu'on peut imaginer. Et cette idée, finalement, va l'entraîner à la question de son article de 1950, est-ce qu'une machine peut penser ? Si on donne à une machine un programme qui est capable de simuler l'intelligence humaine, eh bien on aura un ordinateur qui est équivalent à ce que produit un humain lorsqu'il raisonne. Et cette question-là, ça va donner naissance finalement à son fameux test de Turing. C'est a posteriori qu'on va l'appeler test de Turing. Au départ, il s'appelle le jeu de l'imitation. C'est une expérience de pensée, hein. À l'époque, il la met pas en œuvre réellement. Il explique dans son article le principe. On a un examinateur et dissimulé dans une autre pièce, on a un ordinateur et un humain. Et l'examinateur peut poser des questions aux deux systèmes au travers d'un télétype, l'ancêtre de notre clavier. Et au bout d'un certain temps, en posant des questions, en ayant les réponses, si l'examinateur est incapable de faire la différence entre l'ordinateur et l'humain qui lui répond, eh bien, Turing en conclut que les deux sont équivalents, au moins du point de vue de leur intelligence. Alors ce raisonnement, il paraît évidemment cohérent, mais il va entraîner une polémique très importante qui dure encore aujourd'hui, hein, et ce qui fait la célébrité du jeu de l'imitation qu'on appelle dorénavant le test de Turing. Alors Alan Turing décède hein, dans des conditions relativement dramatiques, mais son projet finalement qui dresse un petit peu dont il dresse les enjeux dans son article de 1950 va initier finalement ce qu'est l'intelligence artificielle. Il prononce pas ce terme, c'est un chercheur du MIT, John McCarthy, qui va le créer en 1955, puisqu'il travaille avec d'autres chercheurs qui sont intéressés à ce sujet et vont initier pendant l'été 1956 la première conférence, on pourrait dire plutôt le premier atelier, workshop, on dit à cette époque-là, au Dartmouth College, aux États-Unis, sur le thème de l'intelligence artificielle. Et c'est finalement le Rockefeller Institute qui va financer la conférence, ce workshop, où finalement peu de gens sont là, et ils sont 6 à être constamment présents, dont évidemment John McCarthy et puis Marvin Minsky, qui vont être un peu les piliers de l'IA sur plusieurs aspects théoriques. Mais il y a aussi peu de représentants. C'est plutôt vu comme une école d'été où on va travailler sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle de cette époque-là, donc on est à la fin des années 50, est très finalement basée sur la logique formelle. Hein, les raisonnements simples qui sont basés sur des règles très simples et D'ailleurs, lors de la conférence de Dartmouth, le premier programme d'intelligence artificielle est démontré. Il s'appelle LTM, Logic Theorist Machine. Et voilà, ça permet de démontrer finalement des principes mathématiques, des théorèmes mathématiques. Et puis, on s'aperçoit relativement vite que on arrive à des limites dans cette voie-là. Et puis aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à cette époque-là, les capacités des machines sont extrêmement réduites. Et donc, malgré les réflexions et les projets qui sont lancés, les réaliser sur des machines qui ont très peu de mémoire, très difficilement programmables, quasiment sans langage de programmation moderne, eh bien, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Donc, à partir de ce moment-là, début des années 60, déjà, c'est relativement tôt, le soufflet retombe un peu et on va plus beaucoup parler pendant un certain temps de l'intelligence artificielle. En 1968, les ordinateurs sont même le sujet d'une chanson de Stéphane Varègue, Ordinateur. Dites-moi, monsieur l'ordinateur, qui va me poinçonner le cœur? Je fais des complexes, je suis à l'index. Après avis instance supérieure, nous conseillons pour votre bonheur Bruno le tatoueur, carte perforée 13-13, psychédélique et en couleur. Dites-moi, monsieur l'ordinateur, qui va me poinçonner le cœur? Superficiel, j'aime. J'habite le 16e. Après avis instance supérieure, vous conseillons pour votre bonheur Ramsès le catcheur, carte perforée Z00 et médaille d'or. Dites-moi, monsieur l'ordinateur, qui va me poinçonner le cœur? Je vends des violettes, soit à la sauvette. Mais l'ordinateur ne répond pas. Il reste tout quoi? Savez-vous pour qui? Savez-vous pourquoi? Après avis instance supérieure, il n'y a que moi, ordinateur, qui puisse faire votre bonheur. J'ai l'honneur de vous demander votre cœur. Merci d'avance. Ils se marièrent devant le pasteur et eurent beaucoup d'ordinateurs. Écoutez le cœur des petits ordinateurs. Aventurier sur France Inter. Allô Carl, est-ce que tu me reçois? 1968. Allô Carl, est-ce que tu me reçois? Stanley Kubrick. Est-ce que tu me reçois, Carl? 2001, l'Odyssée de l'espace. Carl, est-ce que tu me reçois? Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Est-ce qu'il ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque. Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là? Dave, En dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres. Dans ce cas, je rentrerai par l'écoutille de secours. Sans le casque de votre scaphandre, je vous prédis de grosses difficultés, Dave. Ne discute pas, Carl, c'est moi qui commande. Ouvre la porte A. Dave, je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu. Carl. Carl. 1968, Stanley Kubrick et Arthur Clarke, qui écrit une bonne partie de l'histoire avec Stanley Kubrick, eh bien, réalise, enfin, le film est déjà réalisé, mais il sort sur les écrans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, où le principal personnage, finalement, c'est un ordinateur. Donc, dans la version française, on l'appelle Carl. Dans la version originale, il s'appelle HAL, H-A-L, 9000, donc une série d'ordinateurs. Et il est présenté à l'écran un petit peu d'une façon monumentale. Puis, il y a surtout cet œil rouge qui nous regarde. Donc, pour nous, déjà, un œil rouge qui nous regarde, c'est une menace. Hein. Et ce qu'il y a de saisissant dans ce film, c'est que Stanley Kubrick dresse déjà toutes les grandes questions autour de l'intelligence artificielle, les questions qu'on se pose toujours aujourd'hui, des questions d'éthique, des questions de est-ce que ces machines, si on les pousse jusqu'à un certain niveau de sophistication, vont être pour le bien de l'humanité ou se révéler, vont vouloir se révolter. Et donc ça reprend énormément de thèmes qu'on rencontre dans la culture autour des créatures artificielles. Et de ce point de vue-là, ces questions sont toujours d'actualité aujourd'hui. On est en 1968, on est dans le premier hiver de l'intelligence artificielle, d'une certaine manière. On n'en parle plus beaucoup. Le film va avoir un impact, surtout au point de vue culturel et dans l'imaginaire du grand public. Et il va vulgariser finalement le thème de l'intelligence artificielle. Kubrick aussi pose un autre problématique, c'est une machine peut-elle ressentir des émotions ? Donc ça, c'est aussi un des grands thèmes actuels autour des ordinateurs. Mais on est toujours dans une période où, à part ça, les choses n'avancent pas réellement dans le thème de l'IA, dans les laboratoires. On fait des projets. On est toujours très limité, finalement, par la capacité des ordinateurs. Donc il faudra attendre, finalement, la fin des années 70, de nouvelles structures d'ordinateurs, et en particulier l'avènement des premiers microprocesseurs, donc des machines numériques beaucoup plus performantes, pour que l'IA reprenne finalement un nouvel essor et un nouvel âge d'or. Donc à la fin des années 1970, ça se passe en fait en Californie, essentiellement dans deux endroits, hein, au MIT, mais surtout à Stanford. Donc là, à l'université de Stanford, on invente ce qui va devenir le premier système expert. Donc au début, il s'appelle Dindral. C'est un système dans lequel on peut programmer des connaissances d'une façon relativement de haut niveau, hein, sous la forme de règles. Si je rencontre telle caractéristique, eh bien, j'en déduis telle conclusion. Et en enchaînant finalement, comme dans un raisonnement logique, ces règles, eh bien, le logiciel Dindral est capable de raisonner. Et on s'aperçoit que sur des sujets extrêmement pointus, eh bien, c'est relativement efficace et on est capable de mettre dans ces logiciels une expertise qui est, en gros, du niveau de celle d'un expert du domaine. Donc, Dindral, il est spécialisé dans la chimie moléculaire et c'est vraiment le premier système expert du nom et qui va relancer derrière effectivement l'intelligence artificielle pendant un certain nombre d'années. Le second est plus connu finalement et il est également né dans les laboratoires de Stanford, c'est MySyn, dont le but est en fait d'intégrer dans un logiciel les connaissances d'un médecin pour faire des diagnostics des maladies bactériennes du sang. C'est encore une fois un domaine d'expertise et on va coder finalement dans ce système expert eh bien les règles de diagnostic qu'applique un médecin lorsqu'il discute avec un patient et il essaye de comprendre finalement quelle est la maladie dont il souffre. Et on s'aperçoit que eh bien c'est également sur des sujets aussi précis que ça particulièrement efficace Et ça va entraîner le second âge d'or de l'intelligence artificielle basée sur les systèmes experts, qui va durer, je dirais, on est à la fin des années 70, toutes les années 80, ça va être l'âge d'or de ces systèmes-là, et le soufflet, encore une fois, va retomber à la fin des années 80, début des années 90, où on va s'apercevoir que coder les connaissances, eh bien, c'est une approche qui est certes efficace, mais compliquée à mettre en œuvre, qui demande beaucoup d'efforts. Et on va se rendre compte que finalement, dans beaucoup d'applications, on peut faire plus vite et moins cher surtout, et le soufflet va retomber. Toutes les années 90, l'IA est un peu en sommeil. Dans certains cas, on évite même d'en parler. Je me rappelle à cette époque-là qu'on ne parlait plus d'intelligence artificielle, donc IA, mais d'informatique avancée, parce que c'était presque devenu une discipline, pas maudite, mais c'était compliqué, il n'y avait plus de financement. C'était néanmoins, il s'est passé un petit peu comme dans le cas de 2001 en 68 et de HAL, eh bien, il va se passer un événement marquant en 1997. Pour ça, il faut revenir en 1957, tout début, juste après la conférence, un des messieurs, Herbert Simon, qui aura le prix Nobel d'économie ensuite, fait un certain nombre de prédictions. Il se risque et ajoute à la polémique, d'ailleurs, à l'époque, en disant, eh bien voilà, dans 10 ans, un programme sur un ordinateur battra le champion du monde d'échecs. Alors évidemment, il se trompe, mais il se trompe pas tant que ça, il se trompe juste temporellement, puisqu'il va se passer 30 ans de plus pour arriver finalement à ce que Kasparov soit battu par le programme réalisé par IBM, Deep Blue. 11 mai 1997, journal de France 2. Le geste est pathétique. L'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie, doté d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. L'homme, après avoir tâtonné, douté, souffert, n'avait plus que la sixième partie pour prouver sa supériorité. Il s'est incliné, et ça n'est pas dans ses habitudes. L'ogre de Bakou, d'ordinaire impassible, a dû aller jusqu'au bout de l'humiliation. Il conteste à présent l'impartialité du match. Pour lui, les dés ont pu être pipés. Je pense qu'il est temps pour Deep Blue de jouer aux vrais échecs. Et je peux vous promettre à vous tous que si Deep Blue joue à la régulière, je vous le garantis, je le réduis en pièces. Dans l'univers des échecs, c'est la première fois qu'un champion du monde est battu par un ordinateur, fût-il surpuissant. Garry Kasparov est bien décidé à savoir comment la machine l'a battu et aussi à prendre sa revanche. Kasparov ne s'y attendait pas, il pensait être bien plus fort qu'une machine, et malheureusement pour lui, l'humiliation est là, puisque la puissance de calcul, on parle de brute force dans notre jargon, eh bien, vient à bout finalement de Kasparov. Je pense qu'il a été surpris des capacités de la machine qu'il avait devant lui. L'algorithme de Deep Blue était assez systématique, en fait, il explorait, il était vraiment basé sur la puissance de calcul mise à disposition par IBM, pour évaluer avec une profondeur, on parle de profondeur, hein, des coups, c'est-à-dire on avance une pièce, et bien il y a un certain nombre de cas possibles, et ainsi de suite, d'une façon quasi exponentielle, on multiplie les cas possibles. Donc avoir une grosse puissance pour essayer d'évaluer la validité et donner une note finalement à tous les coups envisageables, c'est ce que fait Deep Blue, pour essayer de trouver le meilleur coup à un moment donné en fonction de ce que fait Kasparov. La défaite de Kasparov, évidemment, marque un coup de semonce et on en parle beaucoup, puisque on dit, les échecs qui traditionnellement sont une discipline qui est un peu symbole de l'intelligence humaine, eh bien, un ordinateur arrive à battre le champion du monde. Et donc, évidemment, ça va créer énormément de troubles dans le grand public, mais aussi dans le monde scientifique. Mais les échecs, c'est un monde relativement fermé et avec des coups bien codifiés. On est très loin de la complexité du monde réel. Donc, malgré ça, on va s'apercevoir que, on n'est pas au bout de l'histoire. démarre, qu'il faut encore faire d'énormes progrès avant d'attaquer des problèmes plus sophistiqués, en tout cas qui sont liés à la complexité de notre monde. Et il faudra attendre finalement les années 2010, donc 10 ans plus tard, pour obtenir une nouvelle envolée autour de l'intelligence artificielle. On écoute Canine qui interprète Saturday. As a child, I was scared of grey ghost. Scared of grey ghost. The ones I saw. Now I decide to talk and respond. To talk and respond. It's over now. It keeps me awake believing their prayers. Even if I'm a dropout. Trust me more. L'intelligence artificielle est une jeune discipline qui a déjà connu deux âges d'or. Un premier âge d'or dans les années 50 où la cybernétique est en vogue et un deuxième âge d'or à la fin des années 70. Jean-Claude Dedain, chercheur en intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe au début des années 2010? Pourquoi la donne change? Eh bien pour deux raisons extrêmement pratiques. D'une part, ce sont l'accès aux données. Et ça, 2010, on a enfin accès à des volumes de données massifs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Si on veut faire apprendre une machine à reconnaître des chats, eh bien 20 ans plus tôt, il fallait prendre son appareil photo et aller faire un reportage pour prendre des photos de chats. Aujourd'hui, on tape chat sur son moteur de recherche préféré et on obtient des millions d'images. Et donc l'accès à ces données est beaucoup plus facile. Deuxième chose qui arrive, c'est on découvre donc au début des années 2010 que finalement l'utilisation des cartes graphiques des ordinateurs va permettre d'accélérer très fortement les calculs pour les algorithmes d'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important, parce que les algorithmes d'apprentissage sont extrêmement gourmands en termes de calcul, ils sont très itératifs, ils prennent une image, par exemple, si on essaie d'apprendre un système une image, il va la présenter une première fois, il va présenter une deuxième image, donc si on présente beaucoup de données et qu'on le fait, eh bien, ça peut prendre des semaines avant 2010 pour qu'on arrive à obtenir des résultats, et bien souvent on n'y arrive pas parce que c'est trop long et on n'arrive pas réellement à converger. Et donc ça, à la fois l'accès aux données et l'accès à des capacités de calcul qui vont accélérer très fortement les algorithmes d'apprentissage pour les machines, eh bien ça va permettre de multiplier les expérimentations et donc de faire des progrès très importants dans une période relativement courte. 14 février 2011, Euronews. Le combat entre l'homme et la machine continue de captiver, d'autant plus si des centaines de milliers de dollars sont en jeu. Ces ingrédients sont réunis dans ce jeu télévisé américain. Watson est un super ordinateur conçu par IBM. Son cerveau, en quelque sorte, est représenté par un globe terrestre. Il affronte durant 3 soirées deux hommes, 2 champions de ce jeu, qui consiste à poser des questions qui correspondent aux réponses données. C'était un challenge de concevoir Watson, explique le père de l'ordinateur. On a pu créer une technologie qui peut aider à trier l'information à grande vitesse afin de mieux se servir des multiples connaissances. Sa capacité de mémoire est énorme, réagit l'un de ses adversaires, mais il met plus de temps qu'un être humain à comprendre des phrases toutes simples. Cela peut produire de drôles de malentendus et des confusions entre certains noms. La victoire de Watson sur Jeopardy, qui est en gros question pour un champion en France, est un événement important et qui marque une nouvelle fois les esprits. Donc encore une fois, IBM donne le ton avec la victoire au jeu Jeopardy. Quasiment dans la foulée, Google X est un des laboratoires de recherche de Google qui travaille en particulier sur l'intelligence artificielle. Et ça marque également la période où toutes les grandes entreprises de l'Internet vont commencer à investir d'une façon extrêmement importante dans l'intelligence artificielle. Google X, l'année suivante, eh bien, publie des résultats avec un programme qui est capable, on va retourner au chat tout à l'heure, qui est capable finalement de reconnaître des chats dans des vidéos sur Internet. Et donc, en utilisant 16 000 processeurs, donc une puissance de calcul quand même relativement considérable, on pourrait se dire, ok, reconnaître des chats dans une vidéo, quel est l'intérêt? Mais en fait, potentiellement, ça veut dire qu'on est capable de reconnaître dans les vidéos d'autres choses que des chats, donc ça ouvre des perspectives en termes d'applications importantes. Cette démonstration relativement spectaculaire, eh bien, ça marque le début du troisième âge d'or de l'intelligence artificielle, qui est basé sur une technologie qu'on appelle le deep learning. Donc le deep learning, c'est apprentissage profond. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on passe finalement d'une époque, dans le deuxième âge d'or, où on était capable de programmer les connaissances dans un système. Là, on n'est plus besoin d'une certaine manière de les programmer. Si on a les données, les images de chats, dans notre exemple, eh bien, la machine va pouvoir apprendre à reconnaître. On est dans la grande époque du machine learning, de l'apprentissage des machines, basé, pour la grande majorité des applications aujourd'hui, sur les réseaux de neurones formels. En gros, cette découverte qu'avaient fait McCulloch et Pitts en 1943, et puis formalisée ensuite pendant de nombreuses années. Alors, le deep learning, c'est la capacité d'apprendre un réseau de neurones ce qu'on va lui présenter, par exemple des images, mais ça peut s'appliquer bien sûr à beaucoup d'autres choses. Mais en plus, cette machine est capable d'apprendre, de reconnaître ce qu'on lui a appris, et voire même de généraliser. Donc après Jeopardy et Google X, le troisième événement qui va révolutionner le monde de l'IA par son aspect spectaculaire en particulier, c'est la victoire d'AlphaGo sur Lee Sedol en 2016. 15 mars 2016, sur France Inter. Ce fut un duel à couteau tiré, mais les réseaux neuronaux de la machine et sa capacité à apprendre ont eu le dessus sur le prodige sud-coréen Lee Sedol. Le joueur français Fan Rui est champion d'Europe de Go et est le premier joueur pro à avoir affronté AlphaGo en octobre dernier. Il avait perdu ses 5 parties et c'est lui qui a arbitré le match à Séoul. Fan Rui se dit fasciné par la capacité du programme à créer des stratégies nouvelles pour un jeu qui a pourtant 3000 ans d'histoire. Ah ben, il crée des choses extraordinaires. Hein. Je parlais avec des pros chinois. Ben, que lui, il m'a dit que devant un certain coup, la deuxième partie d'un coup 37, devant ce coup-là, il pleurait pendant une heure. Comment c'est beau. Vraiment, c'est beau. Il crée des choses très, très jolies. Et ce coup 37, il n'y a aucun humain va jouer. Parce que c'est un coup très bizarre. Normalement, c'est mauvais. Mais il le fait. Imaginons, 3000 ans après, AlphaGo joue un coup, ça a encore étonné le monde qu'on n'a jamais vu de coup comme ceci. Regarde le jeu, comment c'est riche. Donc, je pense pas que ça va vraiment faire du mal au Go. Au contraire, ça fait du bien au Go. Grâce à ses parties contre la machine, Fan Rui a fait lui-même des progrès remarquables. Il en conclut que l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour l'humanité, mais au contraire un outil extraordinaire qui lui permettra de résoudre ses futurs problèmes. Le Go, contrairement aux échecs, est à une combinatoire. C'est un nombre de cas possibles à envisager bien plus important. Ce sont des chiffres quasi astronomiques, plus que le nombre de particules dans l'univers. Donc c'est quasi impossible, finalement, même avec une machine qui serait ultra puissante, d'obtenir les résultats uniquement comme le faisait Deep Blue simplement sa puissance de calcul. Pour jouer au Go, il faut être créatif. Il faut arriver à comprendre le contexte, la situation de la partie et innover finalement sur un certain nombre de coups. Et c'est ce que va être capable de faire le programme AlphaGo. Il a appris des millions de parties. Donc, il est sa base de connaissances. On a appris au réseau de neurones. Enfin, il y a plusieurs réseaux de neurones à l'intérieur. On a deux, en fait, plus d'autres systèmes. Il a appris à jouer sur des millions de parties. Mais ce que vont faire les chercheurs d'AlphaGo, c'est qu'ils vont aller un petit peu plus loin. Et pour simplifier, AlphaGo va jouer contre lui-même à un moment donné. Et donc, il va acquérir des connaissances qui sont au-delà, d'une certaine manière, de sa base de connaissances des parties. Et ce qui va mener AlphaGo à la victoire sur ce champion. Bien sûr, tous ces événements spectaculaires, le fait que les grandes entreprises de l'Internet investissent d'une façon extrêmement forte en intelligence artificielle, va provoquer une prise de conscience, je dirais, quasi internationale sur le fait que l'intelligence artificielle est une technologie qui est une technologie de disruption. Ça peut vraiment changer, finalement, notre société et tout un ensemble de pratiques d'une façon profonde. Et aujourd'hui, on est à une époque où toutes les grandes universités, pour pas dire toutes les universités de par le monde, ont des laboratoires de recherche en intelligence artificielle. Et les États même se soucient aujourd'hui de l'impact que ça peut avoir et investissent d'une façon importante en intelligence artificielle. À ce sujet, la France a bien pris le pas, hein, avec le rapport Villani et puis les projets de développement dans ce contexte. Il s'appelle O, il chante à terre. La première question, c'est qu'est-ce que je fous là? Les pieds dans la boue, tel le colosse d'argile, gardien de la foi, l'arbre a mangé la ville. Il n'en reste que des ruines, mais si tu patientes, je prendrai racine. L'arbre dans la ville, il est plus solide que le building qui lui fait face. Je t'offre ma place, puis je m'efface. Ready? disparaître. Mais si tu patientes, je prendrai racine. L'arbre dans la ville, il est plus solide que le building qui lui fait face. Je suis l'arbre fleur, je veux ton bonheur. Mais je sens que je... Inter. L'intelligence artificielle est entrée dans nos vies. Elle est présente dans nos voitures, nos téléphones et nos maisons. Jean-Claude Audin, chercheur en intelligence artificielle, nous a expliqué qu'une partie de l'IA mime la structure des neurones. Depuis 2012, on est capable de construire des réseaux beaucoup plus complexes. Nous sommes dans l'ère du deep learning. Jean-Claude Audin, professeur et chercheur en intelligence artificielle. Donc avec le deep learning, nous avons en fait deux grandes classes d'applications. Il y en a bien sûr beaucoup plus que ça, mais si on veut résumer, une classe d'applications est l'utilisation des réseaux de neurones et du deep learning pour faire l'analyse des gros volumes de données. Donc c'est en particulier le cas, évidemment, dans les banques et les assurances pour analyser toutes les informations qu'ils ont. Ça va être le cas dans le domaine de la santé, ça va être le cas dans beaucoup de domaines et ça va apporter effectivement une vision nouvelle et probablement des découvertes intéressantes dans ces domaines-là. La deuxième grande partie, qui est plus visible pour le public et plus d'une certaine manière plus démonstrative, ce sont les agents conversationnels. Donc c'est d'avoir des interfaces avec nos machines, avec nos ordinateurs, mais surtout nos mobiles aujourd'hui, puisque c'est la machine la plus répandue sur la planète aujourd'hui, eh bien, une nouvelle manière d'interagir avec son téléphone au travers d'agents qui sont capables de nous comprendre, en tout cas d'interpréter nos paroles et d'enclencher finalement, de nous donner des réponses ou d'appeler des services qui vont nous satisfaire, enfin, en tout cas on peut l'espérer. L'exemple classique, hein, c'est sur son smartphone préféré, eh bien, envoie des fleurs à maman, on dit ça à son smartphone, et à ce moment-là, l'agent conversationnel va analyser cette phrase-là, va comprendre que maman, eh bien, c'est probablement sa mère, il sait récupérer finalement les coordonnées de la maman, il va proposer des fleurs, et si on dit OK, eh bien, il va faire la commande, et les fleurs seront expédiées pour la fête des mères. Veuillez patienter pendant l'initialisation de votre OS personnalisé. 2013, Her de Spike Jonze. Je suis là. Oh, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et vous, vous vous sentez comment? Ça va pas mal. Ravi de vous connaître. Ravi de vous connaître aussi. Vous avez un nom? Comment je vous appelle? Mon nom est Samantha. Ah oui, et qui l'a choisi? Je l'ai choisi toute seule. Alors, que puis-je pour vous? Oh, rien, rien. C'est seulement que ça fait une éternité que j'ai rien classé. C'est tout. Je peux parcourir votre disque dur? Oui. Allez-y. Bon, commençons par vos mails. Il y a des milliers de mails du journal LA Weekly, mais vous n'y travaillez plus depuis des années. Ah oui, oui, c'est vrai que je voulais les garder. Je croyais que peut-être il y en avait qui étaient drôles, mais bon... Oui, il y en a qui sont drôles. Je dirais qu'on peut en garder 86, on peut effacer les autres. Ouais, d'accord. D'accord ? On continue ? Oui, on y va. Alors, avant de revoir vos méthodes de classement, je pense qu'on devrait trier vos contacts. Ah, vous en avez beaucoup ? Bah oui, tout le monde m'adore. C'est vrai ? Vous voulez dire que vous avez des amis ? Je vois que vous m'avez bien cerné. Samantha, c'est l'archétype finalement de l'agent conversationnel tel qui, sur lequel énormément de laboratoires et d'entreprises travaillent aujourd'hui. Cet objectif d'avoir un être virtuel qui va être en quelque sorte notre assistant personnel, répondre à nos questions et nous aider à la fois dans le monde professionnel mais aussi dans notre vie quotidienne. C'est une application extrêmement ambitieuse, hein, et aujourd'hui, même si dans un premier abord, on peut imaginer qu'on est proche de ce résultat, en fait, on en est quand même relativement éloigné. Analyser les intentions d'un utilisateur uniquement par la phrase, c'est un problème extrêmement compliqué. Donc là, on l'entend parler, c'est une voix quasi humaine, qui est capable de rire, qui est capable de, en termes d'analyse des émotions et puis d'expression des émotions d'une façon écrite ou vocale. On est encore très très loin de ce que montre le film. Vous savez à quoi je pense à cet instant ? Il me semble sentir un ton de défi dans votre voix. Peut-être parce que vous êtes curieux de savoir comment je fonctionne ? Ça vous intéresse ? Les enjeux de l'intelligence artificielle actuelle sont importants. Je parlerai pas du long terme, puisque j'ai pas de boule de cristal, donc c'est assez difficile de prévoir ça. Les objectifs à court terme sont, en particulier en ce qui concerne le deep learning, d'avoir une méthode de nouvelles approches d'apprentissage beaucoup plus proches de la manière dont nous, on apprend. Donc là aussi, ça c'est un sujet très important. Le deuxième sujet très important à relativement court terme, c'est le traitement des biais dans ces systèmes. Les réseaux de neurones utilisent des gros volumes de données, mais on sait très bien que dans notre société, les données ont des biais, hein. Le masculin par rapport au féminin, il peut y avoir beaucoup d'autres biais qui sont... Et donc ces biais, ils sont cachés dans les données, et si on apprend ça sans y faire attention à un réseau de neurones, eh bien il va reproduire naturellement ces biais. Comme un enfant à qui on n'apprendrait pas la politesse, eh bien il sera pas poli. Eh bien, de la même manière, les réseaux de neurones et l'intelligence artificielle sont comme des enfants. On leur apprend des choses, mais il faut faire attention à ce qu'on leur apprend. Et donc ça, c'est un sujet également relativement important aujourd'hui à l'heure actuelle. Éviter les biais. Et deuxièmement, avoir des méthodes d'apprentissage beaucoup plus naturelles. Un des exemples, je pense, les plus parlants d'objectifs à relativement court terme, c'est la voiture autonome. Pendant des années, en tout cas jusqu'à la fin des années 90, on était incapable de produire un véhicule autonome avec un niveau de sécurité suffisant. Aujourd'hui, on pense être capable de le faire et tous les grands constructeurs aujourd'hui sont sur cette piste-là. Avril 2017. Conférence TEDx de l'entrepreneur Elon Musk. Je pense que nous pourrons traverser le pays en complète autonomie de Los Angeles à New York d'ici la fin de l'année. Vous dites donc que d'ici la fin de l'année, quelqu'un s'assiera dans une Tesla, ne touchera pas le volant, il tapera New York et en route ? Oui. Même plus besoin de toucher le volant d'ici la fin de l'année 2017 ? Oui. En novembre ou en décembre de cette année, nous devrions quitter notre place de parking en Californie et rejoindre une autre place de parking à New York sans toucher aucun bouton durant tout le trajet. La voiture autonome, c'est probablement l'application qui va marquer les esprits dans les années qui viennent et qui va transformer la société. Et pourquoi ça arrive aujourd'hui et pas 20 ans avant ? Parce que un conducteur, c'est un humain, c'est quelque chose de compliqué. Et essayer de le modéliser dans une machine, c'est une tâche colossale. Et il faut bien se rendre compte qu'on n'y arrivait pas. Avec le deep learning, il n'y a plus besoin d'essayer de modéliser le conducteur. On enregistre les données dans toutes les situations de conduite. Et ces données, on les présente à un réseau de neurones qui va être capable d'apprendre finalement le comportement du conducteur. Donc on ne modélise plus, mais... Avec un réseau de neurones, on va faire en sorte, avec les données, qu'il se comporte comme le conducteur. On utilise les données qu'on enregistre sur un grand nombre de conducteurs, et ensuite, la voiture va être capable de se comporter comme telle, de façon quasi automatique. Alors, l'intelligence artificielle, pose aussi les questions, finalement un petit peu les questions que posait Stanley Kubrick dans 2001 au départ, ou Mary Shelley avec Frankenstein, je dirais au 19e siècle. Toute technologie qui a un pouvoir de disruption, qui a un pouvoir d'innovation et qui potentiellement va transformer la société, pose des questions de société, bien évidemment. Et donc c'est important d'y réfléchir. Et depuis quasiment le début de l'intelligence artificielle, on se pose la question, est-ce que finalement c'est un bienfait pour l'humanité, faut-il en avoir peur, ou au contraire, est-ce que ça va être une chance importante et avec une voie de progrès qui va bénéficier à nous les humains. Décembre 2014, BBC. L'astrophysicien Stephen Hawking. Les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles. Mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. Toute technologie qui change profondément les choses peut être utilisée de deux manières. Je dis souvent, l'intelligence artificielle, c'est comme la force dans Star Wars, hein. Il y a le côté obscur et il y a le côté lumineux. Donc ce qui est important en ce qui concerne l'IA, c'est que, en tout cas dans les propos de Stephen Hawking, c'est qu'il met ça au même niveau finalement que l'énergie nucléaire, la maîtrise de l'atome, et qui peut utiliser effectivement pour nous fournir de l'énergie, mais aussi pour réaliser des systèmes d'armes qui sont potentiellement destructeurs, avec les conséquences qu'on connaît, hein, l'utilisation en particulier à Hiroshima et Nagasaki, qui sont des véritables apocalypses du point de vue humain. Cette réflexion-là, elle est importante, puisqu'aujourd'hui, on a finalement deux grandes écoles qui discutent entre eux, ou pas d'ailleurs. Les très optimistes, comme Ray Kurzweil aux États-Unis, avec son idée de singularité technologique, une IA qui prendrait le contrôle de l'humanité aux alentours de 2045 et apporterait la joie et le bonheur pour tout le monde, et résoudrait tous les problèmes qu'on a finalement sur notre planète, y compris la pollution, y compris les guerres et les maladies, etc. Donc une vision hyper optimiste, un peu extrêmement naïve, et d'un autre côté une vision extrêmement pessimiste, hein, celle de Stephen Hawking ou même d'Elon Musk, qui met en garde en disant attention, utiliser sans conscience, eh bien effectivement ça peut nous mener à des catastrophes. Alors ce qu'il faut noter, c'est que en fait, dans un camp et dans l'autre, ils se projettent dans une expérience de pensée qui serait que dans quelques années, on serait capable d'obtenir une intelligence artificielle capable de faire des miracles, quasiment. Une quasi-divinité qui aurait droit de vie et de mort sur Terre, ou pour le bien ou pour le mal, selon les points de vue. On n'en est pas du tout là. Et personnellement, comme un grand nombre de chercheurs, on est au début de cette histoire et il y a très peu de probabilités pour que de telles événements ou que son utilisation conduise au moins dans les centaines d'années qui viennent à des problématiques de ce type de niveau. Une des différences importantes entre la machine, qu'elle soit dotée d'intelligence artificielle ou non, et puis l'humain, ce sont ses capacités de relation avec le monde. C'est l'évolution qui nous a construits, d'une certaine manière, et nous sommes capables de percevoir tout ce qui nous entoure et d'analyser. Finalement, une machine n'est pas capable de faire ça. Une machine, elle a déjà très très peu aujourd'hui, on fera des progrès certainement dans les années qui viennent, mais très peu de capteurs. Elle est dans un monde de données qui est en fait un monde un peu autiste, et elle est extrêmement puissante dans ce monde de données, mais elle a quasiment, ou en tout cas très peu, de capacité de mettre en relation ces données avec le monde réel. Donc pour elle, un arbre, c'est probablement une succession d'images qu'on lui a données, mais elle n'a aucune notion et aucune sensation de ce que représente un arbre dans le monde réel. Jean-Claude Audin, professeur et chercheur, est l'auteur de « Intelligence artificielle, manuel de survie » paru aux éditions Science e-book. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission, celle d'hier avec Cédric Villani, celle de la semaine dernière sur la génétique avec Axel Kahn, mais vous pouvez aussi déjà podcaster toutes les émissions de cette série estivale à venir. Les Saventuriers ne demandent qu'à vous accompagner sur la route des vacances. Je vous rappelle aussi que Les Saventuriers se déclinent en livre. Les grandes épopées qui ont fait la science est paru chez Flammarion et c'est un partenariat France Inter. Clément Baudet réalise Les Saventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Juliette Delperou et Julien Dumont. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. La semaine prochaine, il sera question des origines de l'homme. Samedi, Brigitte Senu, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, nous parlera de nos très lointains ancêtres. Et dimanche, Marilène Patoumatis nous racontera Néandertal et Homo sapiens. Passez une très bonne semaine.